بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في درس الماضي أخذنا ماذا؟ الإيمان نعم ما هو الإيمان؟ قول في اللسان واللسان نعم وزيد أجوت أن بوان بورتون هذا فقط قول باللسان نعم croyance acte et parole et il a des particularités cette iman يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Il augmente avec l'obéissance et diminue avec les obéissances. طيب سندخل الآن في كما ذكرنا يعني فصل في السماعيات Samaïat. Et comme tu te rappelles, on avait pris dans Talmudia Al-Adillah Fi Maïa Akliya Wa Maïa Samaïa Al-Sama'a ou Al-Akli. Tu te rappelles Sama'a Hala Lakala Sha'a Othémin Al-Sama'iyat Kulluma Thabata Bi Sama'a Ay Bi Tariq Al-Shara' Lam Yakun Al-Akli Fiya Madkhalun Fakulluma Thabata An Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min Akhbar Faya Haqqun يجيب تصديقه سواء شاهدنا بحواسنا أو غاب عنا وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه لكل الله عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم donc là c'est quoi les samaïats c'est tout ce qui a été affirmé qu'on a entendu qui nous est parvenu par la voie de la législation Et cela que la raison l'admette ou pas. Et tout ce qui a été affirmé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme information, c'est, elles sont véridiques, naturellement dans ce qui est authentique. Et il nous est obligatoire d'y croire. Que l'on l'ait vu, que l'on ait constaté par nos sens ou pas. Et qu'on ait conçu cela ou pas. Par rapport à Allah dans le sens où il dit, nous t'avons certes envoyé avec la vérité comme avertisseur et annonciateur. Et tu ne seras pas interrogé à propos des gens de l'enfer. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour annoncer yani, la bonne nouvelle, al-wa'd ma ta'alaq bi al-thawab, la récompense, et gazalik pour avertir des bil-wa'id, les menaces du châtiment. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahahnu an bihi an-naql. عنه فيما شهدناه أو غبانا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك عقلناه وجهلنا ولم نطلع على حقيقة معنى كما vient le dire Cheikh Othaymin que nous devons croire en tout ce qu'a nous a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qui était authentifié même le Coran bien évidemment et aussi la Sunna et il y a des gens de science qui disent que من يعتقد صحة الحديث فرده فقد كفر Celui qui a pour croyance qu'un hadith il est authentique, il sait qu'il est authentique et qu'il le rejette, lui l'a mécru. Donc certains ils ont fait quoi pour ne pas les rejeter? Ils ont fait un ta'wil, tout simplement. Il dit le hadith, je l'accepte, il est authentique, cependant il l'interprète, il le sort de sa réalité. Donc comme le dit le mu'allif, l'imam Maqdisi, rahmallahu ta'ala, que nous devons y croire. Nous savons que cela est véridique et cela est vérité. D'accord ? Que nous l'ayons compris ou pas. Et que nous ayons compris sa haqiqa ou pas, du ma'ana. Après, il va en citer certains liés aux choses de l'invisible. Des choses qui doivent arriver dans le futur. Qala mithl hadith al-Isra wal-Mi'raj. وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. Donc, par exemple, le hadith qui concerne Al-Isra, ce qui est le voyage nocturne de Al-Bayt, Al-Masjid al-Haram, il est Al-Masjid al-Aqsa, de nuit. Al-Mi'raj, qui est l'ascension, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté jusqu'au 7e ciel. Et que cela s'est passé alors qu'il était réveillé, ce n'était pas en rêve. Car Quraysh, quelle aurait été la faïda que Quraysh blâme une chose si elle est dans un rêve? Tout le monde te croit. Même demain, tu as dit que j'ai fait telle chose extraordinaire dans un rêve, tout le monde va te croire. Tu dis, j'ai volé dans les airs comme un oiseau, j'ai nagé dans l'eau comme un poisson pendant des heures. On va dire, c'est un rêve. Ma vie, chérie. Donc, si jamais ça avait été en rêve, comme certains l'ont prétendu, pourquoi Quraysh aurait-il renié cela? Il ne l'aurait pas accepté. Il l'aurait démenti. Donc, c'est ça l'Isra. Assir bilashras bilshars leilan. C'est le fait de voyager de nuit. Et Shar'an, c'est Sir Jibril bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam in Mecca et le Bayt al-Maqdis. Et Shar'an, c'est quoi le Isra? Quand on parle de l'Isra non religion, on veut dire du voyage de Jibril avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. Comme qu'a l'Azza wa Jal, Subhanallazi asra bi abadihi leilan min al-Masjid al-Haram min al-Masjid al-Aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الصلاة الإسراء justement. Et le fait qu'il dit abdan, ça veut dire le corps. Ce n'est pas que l'âme. لأن العبد يطلق على النفس والجسد. Quand on dit abdi, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On dit le corps et l'âme. Parce que dans les autres, c'est une chose qui s'est faite par son âme seulement, pas par son corps. Donc Allah سبحانه وتعالى قال الذي Asra bi'abdi. Également, le mi'raj, l'oratem, c'est quoi? Le mi'raj, c'est ce qu'on pourrait pour un mis'ad, ce serait comme un ascenseur. C'est ce qu'on utilise pour pouvoir monter. Mi'raj ou mis'ad, c'est ce que l'on utilise pour pouvoir monter. L'oratem. Un mis'ad, c'est un ascenseur. Ça vient de Sardou à Sardou qui veut dire monter. C'est Ism Ala. Ou plutôt, c'est Ism Mekan. Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être Ism Ala, nom d'outil, ou un nom de lieu. Wa Shar'an. السلام الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقول الله عز وجل ونجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى لقوله لقد رأى من آية ربي الكبرى كلاسي lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est monté et le jumhur il voit que le Isra et le Mi'raj ont lieu en une seule et même nuit. Je crois qu'Ibn Qayyim lui voit que ça a lieu en différentes nuits et le Qawl Sawab c'est que ça a été une seule nuit. Donc le Jibril est venu près du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur l'animal qui s'appelle Al-Buraq, un animal blanc comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou Adun Al-Baghl ou Afouk Al-Himar, plus petit qu'un mulet et plus grand qu'un âne, un animal blanc. Et de là, il est monté avec Jibril. Et là, Jibril lui a lavé la poitrine avec de l'eau de Zamzam. D'accord. Et après, ils sont montés jusqu'au 7e ciel, là où ils ont rencontré différents Anbiya. Et il y avait un niveau dans ces cieux-là, là où on entendait même le bruit des plumes qui écrivaient. Dans les actes des ibad, et il a vu le Bayt al-Ma'mour كذلك. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu le Jannah également. Dakhala al-Jannah. Donc ça c'est une chose qu'on doit y croire, d'accord? Al-Mi'raj wa al-Isra, on doit y croire. Et d'ailleurs, al-Mi'raj, c'est parmi les adillah que تثبت صفة العلو لله كذلك كي أفهم كي الله اللي بيان إليه من ذلك قال المؤلف أن ملك الموت لما جاء لموسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه que l'ange de la mort est venu auprès de Moussa. À la fois, j'ai des choses qui sont liées à l'avenir, c'est des choses qui sont déjà passées, hein, dans les Samariyat. Alors j'ai dit que des choses qui sont liées à l'avenir, c'est pas que des choses de l'avenir, c'est des choses comme celles-ci qui ont déjà eu lieu. Que l'ange de la mort, Malak el Maut, et son nom, Israël, la yazbout, anhu. D'accord, c'est le hadith qui est venu de l'époque authentique. Donc l'appelle comment? Malak el Maut. Et Allah lui donne des facultés pour être en plusieurs endroits, en plusieurs moments. Parce que les gens pourraient dire comment Malak el-Maut c'est un seul ange, les gens ils meurent à différents de, le coin de la terre au même moment. On dit Hadashi Aradahullah là. Comme Iblis, Mathalan. Il a des facultés que Allah lui a accordées. Les choses qui sont liées à l'invisible. Donc le Malak el-Maut est venu, il s'est rendu auprès de Moussa. Et que Moussa l'a frappé et lui a crevé un œil. Ensuite, l'ange de la mort est retourné auprès d'Allah Azzawajal, lui a dit, tu m'as révélé un serviteur. Là, il y aurait de le mot, il ne veut pas mourir. D'accord ? Donc là, il y a des gens, ils ont dit, ils ont refusé ce hadith en disant, comment Moussa il va se permettre de frapper un ange ? Un ange qui vient pour prendre son âme, et lui, il le frappe. Tu vois, on dit là, Zak el Malak, il est venu sur la forme d'un homme. Et Moussa, il ne savait pas qui il était. Donc, il s'est défendu. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a dit, retourne vers lui. Vous voyez ? Et dis-lui que pour chaque. On lui rajoutera qu'il mette sa main sur un Thor Aswad. Kulluma Asaba Yadu Minchar. Falou Kaza Kaza Sana Yaish. Yaishuha. Qu'il mette sa main sur un grand taureau noir. Et que tout ce que c'est. Les poils qui seront en contact avec sa main seront des nombres d'années en plus à vivre. Donc ça fait un grand nombre. Moussa Al-Islam Kale. Souma Bard. Maada. Et après il y aura quoi? Kale Al-Mout. Quand elle fait le N, Izan, elle a dit maintenant alors. Quelle âme, Malak el-Maut, lui a pris son âme. Et il a fait un dora également que de mourir près de la Beit el-Maqdis, dans le chemin par là-bas. Donc il a été envoyé là-bas. Et là-bas, son âme a été prise. Et certains ulama se servent de ce hadith-là qui est dans le Bukhari pour dire que c'est une darura, une haja, on peut prendre ton corps et l'enterrer ailleurs. Donc là, Moussa alayhi salam a bien frappé cet ange au visage, le crevé l'œil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a remis cet œil à l'ange. Le hadith est authentique, on y croit. Numayadou l'anam malak al-mout la ou'ain. Al-akal. Il a un œil. Thumma qala mzadika asharat as-sa'a mis le khuluj ad-dajjal. Parmi ces choses également de Samariyat, il y a les signes de l'heure. Awalan, Asharat, c'est le jam de Shart, qui est l'oraten al-alam, le signe, un signe. Ça peut être aussi un sens de condition. Al-sa'a, wal-wakt, ou al-hadir minhu. Wal-muradu huna, al-qiyama. Le sens qui est voulu par al-sa'a, là, c'est. Yani la fin du monde, l'heure. Donc ces signes sont venus pour montrer que l'heure elle est proche. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Al-yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum baghta faqadija'a asharatuha » dit « Est-ce qu'ils attendent que l'heure leur vienne furtivement ?» Alors que ces signes sont déjà parvenus. Alors, regarde bien là dans le ayah, il a dit « Al-yanzuruna illa sa'a » Yanzurun dans le sens de quoi là ?« Intazara » car il n'a pas le harf jar, il est. Comme on est pris dans Mas'alat al-Nazar li Allah. Hal yanzuruna illa as-sa'a. Donc là, ça veut dire Hal yantaziruna. Ce qu'ils attendent. Donc parmi ces signes, as-sa'a, là c'est parmi les signes majeurs, les 10. Khuruj ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Qui est un homme borgne, qui viendra et prétendra à Rububiyya vers la fin des temps. La plus grande fitna jamais connue sur terre. Al-Masih Dajjal. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, nous a appris de faire un dua pour être préservé à la fin des salawat. Et certains ont rendu ce dua min al-wajibat, al-salat. Le dua contre fitnat al-kabr, ou al-fitnat al-hayal al-mamat, ou fitnat al-Masih Dajjal. Donc son khuruj, sa sortie, al-thabita, al-ijma' de la sunna, et l'ijma'. D'ailleurs, le Masih Dajjal, il est déjà vivant. D'accord ? Il est déjà vivant. Il est vivant depuis l'époque des Sahaba. Les Sahaba étaient partis en mer, sont partis sur une île en bateau, et l'ont rencontré. D'accord ? Et après, quand ils ont informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a déjà fait hadith, un musulman, il a dit c'est le Masih Dajjal. Donc lui était déjà là. Maintenant, il vit longtemps, ça c'est un dalil. Il était déjà présent. Il était attaché à ce moment-là. Si je ne me trompe pas. Donc il sortira d'une route entre Shem et l'Irak, entre la grande Syrie et l'Irak. Et il appellera les gens à l'adorer. Wa akthar man yatba'uhu al-yahud wa al-nisa wa al-a'rab. Ses plus grands suiveurs seront les Yahoud, les femmes. Tamam, et les bédouins. Al-Arab, les bédouins. Et il ira partout sur terre, illa fi Mekka wal Medina. Il a des anges aux portes de Mekka et Medina qui l'empêchent de rentrer. Et sa mudda sera de 40 jours. Un jour passera comme une année. Un jour comme un mois, un jour comme un Jumu'ah. Et les autres jours seront comme les jours normaux. Et il y a écrit entre ses deux yeux, Kafir. Tamam, il est borgne, et entre ses yeux il écrit Kafir. Kaf, fa, ra. Ou plutôt Kafara. Je vois une version écrit Kafir également. Et chaque Mu'min faqat, c'est seulement les croyants qui pourront lire cela sur son front. Il fera mathalan descendre la pluie devant les gens. Il fera pousser la végétation. Tout cela biznillah, mais pour les gens, on croit que c'est lui qui le fait vraiment. Tout comme il redonnera la vie à la mort. Là, le plus grand des shahids, ce sera un homme qui tuera. D'accord ? Il le tuera. Car cet homme dira qu'il ne croit pas en lui. Il le tuera, il le coupera en deux. Et il passera entre les deux parties de son corps. Après, il le dit, revis, il revivra. Il revivra. Et il dit, je ne crois pas en toi. Hada wa akbar shuhada. Et ensuite, il sera tué par Isa alayhi salam. Comme là, ça vient comme le prochain point. Qala, parmi les points de Samariyat, Nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam. Fayaktuluhu. Que Isa Salam va venir également et il va le tuer. Donc Isa, comme cela est marouf chez nous, chez les musulmans, elle est le haq, anna Isa, il n'est pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala l'a levé au ciel. D'accord, il n'a pas été crucifié comme le pensent les chrétiens, comme le disent les chrétiens, en disant il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et on fait tout ce qu'on veut, le fait de croire que Isa est mort sur la croix, crucifié, d'accord, cela te pardonne tous tes péchés. Et tu entreras au paradis d'après eux. D'ailleurs, je me rappelle dans la Bible, il y avait écrit que Jésus disait « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu vois, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ce serait vraiment surprenant que il ne dit pas « mon père, tu m'as abandonné » déjà d'une part. Et d'autre part, Allah spontanément n'abandonne pas, c'est un biais. Tout ça, c'est parmi les choses qui ont été inventées sur lui. Et déjà, dans le hadith, un Nabi Urayra, قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا وقال يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد. Qui va venir Isa عليه السلام, il sera un juge, il sera juste, il va casser la croix, il va tuer le porc, il va donner la jizya, c'est-à-dire prendre la jizya de ceux qui ne sont pas musulmans. Après, un khilaf qui sait, le coup le plus connu, ce sont les gens du livre, et parmi les chrétiens et les juifs, et d'autres akwel que moi je vois, qui sont, en fait, c'est tous les koufars. Et il sera juste, et fera en sorte que l'argent sera distribué à tel point que plus personne n'en voudra, tellement il y aura de l'argent. Lakin sayati hakiman bi shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va appliquer la sharia islamique, il ne va pas avec quelque chose de nouveau. Il ne va pas avec la Torah. Il va venir parmi les suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il va descendre à Damasc, en Syrie. C'est-à-dire entre deux anges. Et il n'y a pas un kafir qui ne sentira son odeur sans qu'il ne meure automatiquement. Donc là, il va chercher le Dajjal, il va le rattraper, il va le tuer. Ensuite, il vivra 40 ans après avoir tué le Dajjal, puis se mourra et sera enterré par les musulmans auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses également, Khuruj, Ya'juj ou Ma'juj. La sortie de Ya'juj ou Ma'juj. Chez les chrétiens, ils appellent ça Gog et Magog. Donc c'est une grande umma qui, elle-même, Kazalik, est déjà présente depuis l'histoire de Zulkarnain. Zulkarnain, qui était celui qui les avait enfermés dans un lieu sur terre, on ne sait pas où est-ce que c'est. D'accord ? C'est une grande communauté. Dans un hadith, c'est venu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min shar qad iqtaraba. Il a dit que les Arabes prennent attention d'un jour de mal qui se rapproche. Il a dit que la brèche de Ya'juj et Ma'juj ont déjà fait une brèche dans leur, dans là où ils sont emprisonnés, et l'équivalent de ce qui est entre eux, son majeur, ou plutôt son index et son pouce. Non. Ça, c'était à son époque. Après, ils sortiront et dissimeront tout ce qui est sur leur passage. Et ils sont très nombreux, très très nombreux. Et des gens à Kalaniyoun, ils disent comment une communauté aussi grande et sur Terre on ne la voit pas alors qu'on a découvert tout sur Terre. Et Charles Fazan a répondu, il a dit non, il y a des choses sur Terre vous n'avez pas tout découvert. Si Allah veut que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Ces trucs sont devant toi, si Allah veut que tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. D'accord ? Et ça ne veut pas dire que tu as découvert tout ce qu'il y a sur Terre. Et nous on y croit, les Adilès sont venus, ils vont sortir et ils sont déjà là. D'accord ? Et ils sont extrêmement nombreux, à tel point qu'il y a un endroit où il y aura un grand lac. Ils vont venir, ils vont tout boire, il ne restera plus rien. Les gens vont dire, il n'y a pas un lac à cet endroit-là. Un lac immense. Ils sont des fils de Bani Adam. Les fils de Adam. Et comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre leur grand nombre, qu'il a dit à Sahaba, pour l'un d'entre eux, il y en a 1000 parmi eux. 1000 hommes de Ma'juj et un d'entre vous. Donc, pour te dire comment ils sont nombreux. Donc, c'est leur sortie parmi les signes de la grande heure. Parmi plutôt les grands signes, de l'heure. Min al-alamat al-kubra. Et ces signes-là, comme a zakara fi al-hadith, innaha lan takum as-sa'a hatta tarau qablaha 10 ayat. Que l'heure n'aura lieu tant que vous n'aurez pas vu auparavant 10 signes. Fa zakara al-dukhan, la fumée. Wa dajjal, Messie dajjal. Wa dabba, comme on va en parler. L'animal, la bête. Que le soleil va se lever de son couchant. Nuzul Isa ibn Maryam. La descente de Isa ibn Maryam. Ya'juj wa Ma'juj. Et trois éclipses qui auront lieu. Et pour finir, un grand feu qui sortira du Yémen. D'accord ? Qui fera fuir les gens. Un grand feu. Donc ça, ce sont les 10 signes. Et il fut dit que Ya'juj et Ma'juj, dans un hadith, une fois qu'ils auront décimé tout ce qu'ils auront vu sur terre, ils auront dit, halas, nous aurons tué tout ce qui est sur terre, de ce qu'ils imaginent. Et de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bah maintenant, on va tuer ceux qui sont dans les cieux. Et ils vont commencer à tirer dans l'air avec leurs flèches et tout. Même et de là, Allah enverra des oiseaux, comme cela fut pour le fil, l'éléphant, qui les décimeront tous. D'accord? Qui les tueront tous. En médecine, Khuruj Dabba, l'animal. C'est un animal qui sortira et qui parlera aux gens. Et cela, c'est un, on a un texte thabit du Coran, qu'Allah Azza wa Jal, وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Lorsque la parole s'effectuera sur eux, nous sortirons une bête de la terre qui leur parlera, qui dira: certes que les gens n'avaient pas la certitude face à nos versets. Maintenant, on ne sait pas à quel endroit sortira cette bête. Il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Ou à quoi elle ressemble. On sait qu'elle est grande. Et certains hadiths en parlent, comme dit Cheikh Othaymin, mais ne sont pas authentiques, qui décrivent cette bête et d'où elle sortira. وَمِنْهَا كَذَلِكْ تُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, que le soleil se lèvera de son couchant. وَأَشْبَهَا مِنْ ذَلِكَ مِمَا اصْطَحَ بِهِ النَّقْلِ, d'accord, que le shams se lèvera de son couchant. Et ça, c'est le moment où ceux qui le verront se mettront à croire, il sera trop tard. Comme Allah Azza wa Jal, يَوْمَتَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا تَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي نَفْسِهَا خَيْرًا. Le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, cela ne servira plus rien aux gens, ni à une âme qui n'a pas cru auparavant. À ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus de tawbah. Comme ça, c'est venu. La taqtar al-hijra hatta la taqtati al-hijra hatta taqtati al-tawbah wa la taqtati al-tawbah hatta tatla al-shams maghribiha. Que la hijra reste effective tant que la tawbah est acceptée. La tawbah est acceptée tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. Et ça, c'est aussi parmi les preuves que c'est le soleil qui tourne et non pas la terre. Comme a dit le hadith Abi Moussa, quand on est dans le masjid, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est assis, quand il est dans le masjid, il dit: Ya Abi Moussa, hel tadrina inna tadhhab hadihi? Il dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit: Fa innaha tadhhab tasta'zinu fa yuzana laha. Fa kana tasjudu wa yuqala laha: irji' min haythu jit. Fa tatla' min maghribiha. Qui rend que Abu Moussa est rentré dans le masjid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis. Et au moment où le soleil se couchait, il a dit à Abu Moussa: sais-tu d'où vient celle-ci, c'est-à-dire le soleil? Il a dit: Allah, son messager, son plus savant. Il dit: elle est partie demander la permission. Il lui était autorisé. Après, elle s'est prosternée. Puis le soeur a dit, c'est-à-dire, retourne d'où tu viens. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, le soleil demande la permission pour passer, il passe, il passe. Et un jour, on lui dira: retourne d'où tu viens. Et là, se lèvera. Je dis elle parce qu'en arabe, Shams c'est féminin. Elle se lèvera de son couchant. Et à ce moment-là, trop tard. Plus de iman. Plus de iman. Plus de foi. Non. Donc, ça, ce sont parmi les signes qu'on a pris aujourd'hui. Mine Samariyat. Qui sont eux liés au Asharat al-Sa'a. ثم سنواصل في سمايات أخرى إن شاء الله تعالى. مفهوم هذا؟ donc ça on est obligé d'y croire. Celui qui n'y croit pas, c'est ou de la bid'a ou du kufr. بحسب. Ça dépend de son hal. Ou ça peut être du jahl, on lui montre. S'il n'accepte pas, après cela, شأنه. Et il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ces adil-là, sont les aqlaniyoun, ceux qui font fonctionner leur raison. On dit c'est pas possible. Ce genre de choses. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.